grand boss, le tout ma femme. Y'a Freddy Moutita, Germain Likibi, on dirait que Maya Maya. Olingwe Sali et l'encoya Lisa Noteo. L'élona Bonzeli, on mouté manana, il y a. Y'a les belles, la tonton fidèle Mbadou, Boyoka. N'a pas si en confiance, n'a pas ignorance. Mama Yabana, Tala Tobala, Lile, Loyou. Chabani Record. Oh mon cœur, oh my baby, c'est un bouquet de fleurs. Mets-le à ton cheval, il pourrait, oui, oui. Mon amour, arrose-le chaque matin. À ton réveil, chérie, c'est toi ma vie, ma libouée, ma bien-aimée. Chant d'amour, ma belle mélodie. Chante-le-moi, Malibué, oué, oué. Dis mon amour. Sois sincère, je t'aime fou. Jusqu'à la fin de mes jours, oh ma belle, ma Maya Banale. Olingo Nanga. Lelona Suki Ololango. Iaoye, Iaoye, Iye, Iye, le frère. Soukate Oboli. Yamanaya, Yamanaya, maman. Mama Ediba Nicole Nangobila Balobi Bemini Ebakalibu Nangoti Kayote Ekenge Pe Angele Pamate Balobi Eko Kiko Bebi Saboli Mosala Kebao Balobi Bandoni Balingi Seba Fanda Yanga Inayo Gana Leli Ere Mon Coeur Plein D'Amour Oyo Bolingo Yanga Ameho Beya Motema Oye Baka Iya Oye Iya Oye Liye Liye Ma omboka babota ka Yesu na zwa bomo ibwalo biko mina sala euro na mobili iya oye liye liye le frère sokate oboli yamana ya mama mwe malibuwe yebezali amour éternel ya sele kufango mon lieutenant PDG Bemba Saulona. Sois maman pour vivre dans ma lingo, yo. Sano le matin, Kumba Kanga et Paya Paya de Mukamba. Nadine Motuke, Ani Chibouni, ma beauté à solo, Yo Kalina de la docteur Nico Kassanda. Boka, Franco de Miamor. Balé qui n'a si m'a dégagolana le couleur de bas. Colonel Jean-Jacques Gude, Amical Poto Poto, rendez-vous dans Nada Pascal. Namona qui est benga ya pembe, bimelinga nando todo do bolongo. Nasoso moki na pongi na yebaki tendinye zala ki boyela angayi. Natango tango et aliye. Oh, Oh, nibble, boy.